Ok, c'est bon. Vas-y, bah c'est bon, Jamas, c'est bon. D'accord, très Ça bien. marche. Je coupe mon micro. D'accord. Ben, salam alaikum. Donc, bonsoir à vous toutes et à vous tous au sein de la Room, ensemble contre le nouvel ordre mondial. Nous souhaitons donc la bienvenue à Alain Soral ce soir, qui a bien voulu se prêter à un jeu de questions-réponses, donc à une conférence, interview, accompagnée bien sûr de questions qui ont été adressées par les habitués de la Room. Via un email qui a été mis à leur disposition. Donc, nous allons incessamment commencer, bien sûr, d'abord par les présentations. Alors, à votre intention, Monsieur Soral, la Room Ensemble contre le Nouvel Ordre Mondial est un espace de débat, de dialogue, d'échange, où se retrouvent des personnes d'horizons divers et parfois même d'origine et de pays divers. Pour ce qui concerne ceux qui se trouvent en France, plus particulièrement, il y a parmi eux, bien sûr, des gens qui sont plus dans l'action, dans l'initiative, qui veulent s'inscrire dans des opérations, disons, autonomes, un petit peu indépendantes, pour contrecarrer les effets les plus, ce qui leur apparaît comme étant les effets les plus nocifs de la mondialisation à travers la politique gouvernementale, bien sûr. Sinon, d'une manière plus générale, nous organisons parfois aussi des conférences à thème et où nous essayons d'analyser, de développer les points de vue sur des questions d'ordre civilisationnel, politique, économique, géopolitique. Voilà un petit peu pour ce qui concerne donc la Room Ensemble contre le Nouvel Ordre Mondial. En ce qui concerne donc Alain Soral, et cette fois-ci je m'adresse donc aux auditrices et aux auditeurs. Alors, il faut savoir que Alain Soral, de son nom complet, donc je cite bien sûr une partie de sa biographie, Alain Bonnet de Soral, essayiste, journaliste, sociologue et réalisateur français, semble-t-il également titulaire de la nationalité suisse, né le 2 octobre 1958 à Aix-les-Bains et se présentant comme un intellectuel français dissident. Donc, je vais quand même essayer de résumer parce que sinon la biographie est très longue. Alain Soral apparemment a eu un parcours assez dense et plutôt riche. Donc, c'est un personnage qui est autant dans la littérature, dans la sociologie, dans la création artistique aussi, mais qui est aussi dans le monde politique en tant qu'acteur, bien sûr, donc, et qui a eu un parcours assez, on peut dire erratique, militant du Parti communiste dans les années 90, membre du comité central du Front national, en charge notamment des affaires sociales et du problème des banlieues en novembre 2007, jusqu'à son départ le 1er février 2009. Il préside depuis 2007 Égalité et Réconciliation, association nationaliste de gauche, dont il est le fondateur et exprime ses vues toutes les quinzaines, en tant que chroniqueur au journal Flash. Il se présente aux élections européennes de 2009 en Île-de-France en cinquième position sur la liste antisioniste conduite par Dieudonné. Pour la question un peu plus privée, disons, marié, il vit à Bayonne et est instructeur fédéral de boxe anglaise. Il a pour sœur l'actrice Agnès Soral, hein, notoirement connue. Alors, je passerai sur les détails, bien sûr, parce que ce serait très complexe et puis un peu fastidieux. Sinon, je voudrais citer quand même ses principaux ouvrages publiés, donc, si vous permettez. Voilà. Alors, Les mouvements de mode expliqués aux parents, 1984, les éditions Robert Laffont. Le jour et la nuit ou la vie d'un vaurien, édition Calmant Lévy, me semble-t-il, édition Blanche, pardon, 2001. Sociologie du dragueur, édition Blanche 1996, réédité bien sûr 99, en 2007 aussi. Jusqu'où va-t-on descendre? Abécédaire de la bêtise ambiante, édition Blanche 2002, réédité sous le titre Abécédaire de la bêtise ambiante. Toujours donc les collections Pocket 2003, et réédité aux éditions Blanches en 2008, Socrate à Saint-Tropez, Testicule, jeu de mots, effectivement, édition Blanche 2003, et 2008 aussi, Misère du désir, édition Blanche, 2004, Chute, Éloge de la disgrâce, édition blanche, 2006. Monsieur Alain Soral, bien sûr, a eu de nombreuses activités parallèles, je crois, comme acteur, semble-t-il, comme réalisateur, je ne pense pas, en court-métrage aussi. On peut citer Choua Bada Ballet en 1990 et Les Rameurs, Misère affective et culture physique à carrière sur scène en 1993, pardon, en long métrage Confession d'un dragueur en 2001. Voilà. Donc j'ai vraiment fait un petit tour d'horizon. Je n'ai pas été prolixe en ce qui concerne la biographie de Alain Soral. Je vous renvoie, si pour ceux qui seraient intéressés, tout simplement sur Wikipédia. Je pense que c'est assez documenté. En tous les cas, j'ai posé la question à Alain Soral. Il semblait être d'accord pour dire que c'était à peu près correct et crédible. Donc voilà pour la présentation de Alain Soral. D'une manière très courte, bien sûr. On notera principalement, bien sûr, que la médiatisation a pris une ampleur peut-être plus importante avec cette campagne électorale dans le parti antisioniste, peut-être du fait aussi de la conjoncture internationale, et puis aussi peut-être aussi du fait que il y a, semble-t-il, une désaffection assez marqué des citoyennes et des citoyens en France par rapport au monde politique. Ce sera d'ailleurs un des aspects que nous allons débattre avec Alain Soral. Alors pour ma part, bien sûr, et en dernier ressort, donc je me présente, Jamaz, journaliste d'investigation, autodidacte, tout à fait indépendant de tout organisme, que ce soit étatique ou privé. J'agis donc en fruit et c'est donc moi qui vais interviewer ce soir, via vos questions, mais via aussi certaines questions que j'ai élaborées personnellement, Alain Soral. Bonsoir Alain Soral, auriez-vous un mot à dire à l'intention des auditrices et des auditeurs avant que nous commencions? Bonsoir déjà, j'espère que vous m'entendez. Oui? Allô? Oui, ça devrait aller, Alain Soral. Oui, vous m'entendez? Oui, bah, je voulais vous remercier de m'avoir invité à ce débat. J'ai accepté parce que j'ai entendu celui que vous aviez eu avec Michel Collomb, qui m'avait semblé de bon niveau. Michel Collomb est un homme dont je respecte beaucoup le travail, donc je me suis dit, passer après Michel Collomb, c'est pas mal. Voilà.